Tiananmen connaît pas. C'est pour reprendre le titre du célèbre documentaire de Bertrand Blier, la réponse que peuvent faire les jeunes Chinois si on les interroge sur les événements dramatiques de Tiananmen, dont on va célébrer dans quelques jours le 20e anniversaire. Tiananmen connaît pas, car aucun livre d'histoire chinois n'en fait mention, et la presse locale n'est pas autorisée à évoquer ce massacre qui a provoqué la mort de centaines, peut-être même de plusieurs milliers de Chinois. Un bilan précis étant impossible à établir tant que le sujet restera tabou pour les autorités de Pékin, qui s'en tiennent par ailleurs à la version officielle, je cite, « Les manifestants étaient des criminels et des voyous sans lien avec les étudiants et l'armée est intervenue pour sauver le socialisme en Chine. » Malgré cette chape de plomb, le souvenir du printemps de Pékin qui s'est terminé dans le sang sur la place Tiananmen reste vif dans la mémoire de tous les contemporains. Et le gouvernement communiste redoute que ce 20e anniversaire ne donne lieu à de nouveaux épisodes contestataires dans cet immense pays où les signes de rébellion se multiplient. Paysans déracinés, rejetés des villes par la crise économique, chômeurs, victimes du lait frelaté, habitants du Sichuan ravagés par le dernier séisme qui accuse la mauvaise qualité des constructions, contempteurs de la corruption des fonctionnaires du parti, sinistrés de la pollution industrielle, dissidents politiques régulièrement embastillés ou encore tibétains opprimés. Monsieur X, qui m'a déjà entretenu des événements de Tiananmen, revient donc sur cette tragédie à la lumière des dernières informations qui ont filtré de Chine malgré le silence officiel et le contrôle rigoureux des médias et de l'Internet. Des révélations souvent surprenantes. Savez-vous que 20 ans après, il y a toujours des dizaines de prisonniers qui croupissent en prison à cause de leur participation aux manifestations de 1989 Bon, quant à ceux qui ont été libérés, ils vivent toujours sur la surveillance de la police. Oui, mais certains spécialistes de la Chine estiment que le printemps de Pékin a été un rendez-vous manqué avec la démocratie. Oh, c'est évident. Ouais. Mais Deng Xiaoping, l'homme fort de l'époque, pouvait-il consentir à l'ouverture des digues? Non, parce que selon lui, la Chine tout entière aurait basculé dans le chaos. Or, il y avait chez lui une peur panique des grands mouvements collectifs et des excès qu'ils entraînent. Mais quand vous m'avez parlé la première fois de Tiananmen, vous avez émis l'hypothèse que Deng avait peut-être lui-même été piégé par des dirigeants encore plus impitoyables que lui. Nous allons revenir sur ce point très précis. Toutefois, pour bien comprendre, il faut réexaminer le déroulement des événements. Et vous allez constater que de nombreux secrets ont été récemment mis au jour, le début donc. Ce sont les obsèques d'un autre dirigeant communiste réformateur qui ont été à l'origine de la rébellion étudiante de 1989. Yu Yaobang. Hein. Oui, un ancien secrétaire général du PC démit de ses fonctions en 1987 parce qu'il était partisan d'une libéralisation du régime. L'annonce de la disparition de ce dirigeant très populaire a provoqué une intense émotion. On a vu éclore toute une série de mouvements contestataires. Les étudiants profitent donc des obsèques de Yaobang pour se rassembler sur la place Tiananmen au lieu de la Chine communiste. À cause de la présence du mausolée de Mao, là. Entre autres, oui. Et ils demandent, enfin vous le savez, plus de démocratie et surtout des mesures plus actives contre la corruption des dirigeants à tous les niveaux, locaux ou nationaux. Pour autant, ils ne sont pas fondamentalement hostiles au régime. Mais une minorité va plus loin et met en cause le système. Ça, c'est déjà plus grave. Hein. Oui, d'autant que les manifestants qui campent sur la place Tiananmen sont de plus en plus nombreux, des dizaines de milliers. Et quelle est la première réaction de Deng Xiaoping alors face à ce mouvement? Dans un premier temps, il partage l'avis du secrétaire général du parti, Zhao Ziyang. Ses étudiants sont bien gentils et à l'exception des plus agités, ils ne menacent ni l'ordre ni le pouvoir. Mais Zhao quitte Pékin pour une visite officielle en Corée du Nord. Et il va être absent une bonne semaine, ce dont va profiter Li Peng. Li Peng, c'est le Premier ministre. Hein. C'est ça, lui, c'est un faux con. Un conservateur. Oui, oui, oui. Donc Zhao Ziyang a commis une erreur en annulant pas son voyage. Très certainement, car le Premier ministre profite de son absence et tente une véritable manœuvre de désinformation. Il affirme, devant le bureau politique, détenir des renseignements très inquiétants sur le mouvement des étudiants. Ceci serait manipulé par une minorité agissante qui veut tout simplement détruire le Parti communiste. Ensuite, il se rend chez Deng et développe les mêmes arguments. Alors, Deng Xiaoping a-t-il été convaincu par les accusations de Li Peng? En tout cas, le lendemain de la visite du Premier ministre au domicile de Deng, le quotidien du peuple publie un éditorial très violent contre les étudiants. Et chacun comprend que c'est Deng qui s'exprime. Oui, oui. C'est par ce biais que Deng Xiaoping, qui n'occupe plus aucune fonction officielle dans la hiérarchie du parti... À l'exception, notable quand même, de la présidence de la commission des affaires militaires du parti. Vous avez raison de souligner ce point, car l'homme qui occupe ce poste demeure tout puissant. Je vous disais donc que Deng, quand il avait quelque chose à dire, publiait un éditorial anonyme dans le quotidien du peuple. Alors là, qu'écrit-il? Pour lui, le mouvement étudiant est une rébellion contre-révolutionnaire et un complot contre le régime. Ça, c'est une condamnation sans appel. Et qui choque les étudiants, et pas seulement les étudiants. Dès le lendemain... Attendez, on est là quand, là? Fin avril. Donc, dès le lendemain, de grosses manifestations de protestation sont organisées dans plusieurs grandes villes du pays. Et à Pékin même... Les étudiants forcent les barrages policiers qui entendent leur refuser l'accès à la place Tiananmen. Ça, c'est l'épreuve de force. Pas encore, pas encore. Mais la situation s'est sérieusement dégradée. Et le patron du parti, Zhao Ziyang, en prend conscience dès son retour de Corée. Ouais. Que peut-il faire? C'est un homme conciliant, un homme de dialogue, et il tente de reprendre les choses en main. Mais ça risque de l'amener à une confrontation directe avec Deng Xiaoping. Certes, et pourtant il pense encore posséder assez d'influence pour retourner la situation. Ouais, d'influence auprès de Deng? Oui, mais de l'autre côté, Li Peng fait valoir qu'opérer une marche arrière risquerait de saper l'autorité de Deng Xiaoping en particulier et des autorités en général. Oui, ça c'est un argument fort. Oui, oui, car maintenant Deng Xiaoping peut difficilement reculer. Ce qui importe à cet instant, c'est que Zhao Ziyang peut encore croire qu'il est en mesure d'imposer sa ligne réformatrice. Et donc pacifiste. Oui, oui, car il est suivi par la majorité du bureau politique. Ouais, mais m'avez-vous dit, au-dessus de ces instances politiques, il y a Deng. Et autour de lui, un mystérieux conseil des anciens qui tranche en dernier lieu. Et pour ces vieux de la vieille, réunis autour de Deng, il n'est pas question de négocier avec les rebelles étudiants. Dans ces conditions, on se dirige tout droit vers le drame. Sur la position de Deng Xiaoping et sa détermination à réprimer par la force le printemps de Pékin, nous disposons aujourd'hui d'un précieux document, le compte-rendu d'une réunion qui a regroupé les principaux dirigeants chinois quelques jours avant l'intervention de l'armée sur la place Tiananmen. Et voici ce que dit le petit joufflu, comme on l'appelait familièrement. Les vétérans, moi compris, brûlons d'angoisse devant ce que nous voyons dans Pékin ces jours-ci. Ça ne peut pas durer. D'abord, calmons l'instabilité à Pékin, sans quoi nous ne serons plus en mesure de la calmer dans les provinces, les régions, les villes. S'allonger sur les voies ferrées, battre les gens, se livrer à la casse, au pillage, qu'est-ce que c'est sinon le chaos? Si ces choses continuent, peut-être même que nous allons finir en résidence surveillée. Donc, Xiaoping, malgré les apparences, est le seul et le vrai patron de la Chine. Cependant, il feint de ne pas exercer tout seul le pouvoir. C'est pourquoi il a regroupé autour de lui quelques anciens. 8 exactement. Des anciens du parti ? Oui, mais enfin, pas forcément des personnages de premier plan. Ces hommes, qu'on appelle ironiquement les 8 immortels, ont bien sûr été personnellement choisis par Deng lui-même. Et c'est ce groupe qui décide de tout, surtout lorsqu'une situation délicate l'impose. C'est assez insolite, non ? Deng est un personnage très malin et très imaginatif. En tout cas, plus que tout autre, il a immédiatement compris où était le danger. Je vous explique. La principale revendication des étudiants consiste à réclamer la création d'associations indépendantes. Mais donner satisfaction à ces étudiants, c'est introduire une brèche dans le parti et son hégémonie absolue dans tous les domaines de la vie des Chinois. Une brèche qui ne demanderait ensuite qu'à s'élargir. Et qui finirait par emporter le régime, oui. Quoi qu'il en soit, le veto opposé par Deng Xiaoping aux propositions de Zhao Ziyang d'entamer le dialogue avec les étudiants provoque immédiatement une réaction de ces derniers. Le 13 mai 1989, ils décident d'entamer une grève de la faim. Et en même temps, il faut le noter, le mouvement s'étend. Ou quoi, aux autres universités et au-delà. La contestation, et pour le pouvoir, c'est très inquiétant, gagne de nombreux secteurs. C'est un vaste mouvement de ras-le-bol qui se fait jour. Ras-le-bol des fonctionnaires corrompus, des syndicats officiels, des abus de pouvoir, des cadres du parti et des petits chefs qui se conduisent en seigneurs dans les régions. Mais c'est tout le système qui est mis en cause. Et en même temps, il faut bien dire que les étudiants ont sans doute raté une occasion. Ils auraient dû s'engager franchement du côté des réformateurs du parti. Ouais, comme Zhao Ziyang. Oui, mais un peu naïvement, ils ont voulu préserver la pureté et l'indépendance de leur action. Et en agissant ainsi, ils se sont condamnés eux-mêmes. Et ça va aller très vite. Dans le secret de son conseil des anciens, Deng Xiaoping a déjà décidé de démettre Zhao Ziyang de son poste de secrétaire général du parti. Zhao Ziyang qui, dans un dernier sursaut, se rend sur la place Tiananmen. Il veut parler aux étudiants ? Et il les exhorte à regagner leurs universités et à cesser leur grève de la faim. Mais de son côté, Li Peng, le premier ministre, approvisionne Deng en informations. Mais de qui l'était-il, lui ? Le service secret, le redoutable Kong Gambu, avec lequel il a constitué un véritable réseau parallèle de renseignements. Mais, si je puis dire, Li les accommodait parfois à sa façon. Il avait tendance à les rendre encore plus alarmistes qu'elles n'étaient. Ainsi, dans les rapports qu'il transmet à Deng, il est question de complots et de tentatives de renversement du régime. Alors justement, revenons à l'évolution de la situation dans cette deuxième partie du mois de mai 1989. La grève de la faim des étudiants suscite une immense émotion dans la population. Une population solidaire. Au cri de « Ne laissons pas mourir nos étudiants !» Les Pékinois descendent dans la rue par centaines de milliers. Et sur la place Tiananmen, c'est un vrai ballet d'ambulances au milieu des tentes sous lesquelles les grévistes sont alités. Et au sommet du parti, m'avez-vous dit, Zhao Ziyang, le secrétaire général, est démis. Mais concrètement, que lui arrive-t-il ? Il sera rapidement placé en résidence surveillée et il n'en sortira en 2005 que les pieds devant. Quant à son principal conseiller, Bao Tong, il ne tarde pas à être envoyé en prison. C'est donc le premier ministre, Li Peng, qui a gagné. La ligne dure l'a emporté. Il faut ajouter que tous ces mouvements d'appareil se font dans le plus grand secret. L'opinion chinoise n'est pas informée, et même Zhao Ziyang n'apprendra pas tout de suite que Deng et les anciens ont décidé de le démettre. Enfin, et sur le terrain, ça évolue comment ? Les étudiants campent toujours sur la place Tiananmen, et ils poursuivent leur grève de la faim, tandis que dans plusieurs grandes villes, on manifeste sa solidarité avec les opposants de Pékin. Partout, c'est le même refrain. La priorité, c'est la démocratisation du régime. Mais déjà, Li Peng, cornaqué par le Conseil des Anciens, a pris sa décision. Ce sera le recours à la force. Et dans la nuit du 19 au 20 mai, il annonce au pays que la loi martiale va être appliquée à Pékin. Réaction des étudiants ? Ils ne semblent guère impressionnés, essentiellement parce qu'ils sont certains de disposer du soutien de la population. Et effectivement, dès le lendemain, les Pékinois bloquent les camions de l'armée qui se présentent à la périphérie de la ville. Mieux, ils se servent de ces camions pour barrer les principaux axes de circulation dans la capitale. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. L'armée chinoise va donc jouer le rôle principal dans la répression. Une armée, nous allons le voir dans la suite du récit de M. X, qui est loin d'être unie. En témoigne cet extrait de l'excellent ouvrage de Roger Faligot sur les services secrets chinois. Le 19 mai, le gouvernement instaure la loi martiale. De nombreux généraux sont plus qu'étonnés. Ils ne comprennent pas qu'on utilise l'ultime recours de la force armée contre les étudiants. Le 20 mai, un groupe de généraux envoie une missive à Deng Xiaoping et à la Commission militaire centrale. Nous demandons que les troupes n'entrent pas dans Pékin et que la loi martiale ne soit pas instaurée dans la ville. Deng dépêche des officiers pour parlementer, tandis que Yang Changkung, il s'agit d'un membre du Conseil des anciens compagnons d'armes de Deng, téléphone à chacun. Le mouvement d'humeur est résorbé. Le 21 mai, rassurant ses généraux contestataires, Yang ordonne aux soldats de ne pas tirer contre d'innocents civils, même en cas de provocation. Si les civils peuvent faire obstacle à la progression des camions militaires vers le centre de Pékin, est-ce que ça signifie que les autorités ne contrôlent plus la ville ? Oui et non. Et vous verrez pourquoi un peu plus tard. Car la capitale chinoise possède aussi ses mystères. Ouais, alors attendons un peu. Et les soldats, eux, comment se comportent-ils ? On observe de nombreuses scènes de fraternisation entre les militaires et les manifestants. Et le commandant chargé de faire appliquer la loi martiale s'empresse de déclarer que l'armée n'est pas là pour réprimer les étudiants, mais seulement pour rétablir l'ordre. Et bien sûr, ça ne suffit pas à calmer l'ardeur des manifestants qui se rassemblent par centaines de milliers soir après soir. Alors c'est l'impasse ? Et le pouvoir semble même reculer. Li Peng, par exemple, se fait très discret. Et les troupes massées autour de Pékin se replient à distance. Ouais, le pouvoir joue la montre. Bon, c'est évident, et des dissensions apparaissent dans le camp étudiant. Pour votre quelle question alors ? Certains les plus lucides ne doutent pas que l'armée finira par intervenir. Et ils proposent de refluer vers les universités. Ce qu'ils vont faire. Cela, oui. Et la place Tiananmen commence à se vider. Au même moment, il se produit un incident curieux. Des manifestants maculent de peinture l'immense portrait de Mao qui est accroché sur la place. Une provocation ? Bon, on aurait pu l'imaginer, mais je ne crois pas, non. En fait, dans l'ombre, le pouvoir se préparait déjà à recourir à la force. De nombreux signes le montraient. Par exemple, alors ? Des dirigeants d'une organisation ouvrière sont arrêtés. Des opposants ? Bien entendu. Et puis, simultanément, on assiste à quelques manifestations de soutien au gouvernement. Ouais, des manifestations spontanées ? Oui, ça, j'en doute. Au cours de l'une d'elles, on brûle en effigie le portrait du célèbre savant chinois, Fang Lizi, celui qu'on a appelé à l'étranger le Sakharov chinois. Voilà. L'ennemi est donc clairement désigné, hein, c'est le réformisme. Oui. En fait, vous avez évoqué le limogeage du réformateur Zhao Ziyang, mais j'imagine qu'il a été remplacé. Ah, forcément, et là encore, c'est Deng Xiaoping qui décide. Contre toutes les règles constitutionnelles en vigueur, il choisit tout seul un certain Jiang Zemin, qui était jusqu'alors un dirigeant du parti à Shanghai. Mais Deng, secrètement, a déjà décidé d'en faire son successeur. Jiang Zemin, qui restera au poste de secrétaire général jusqu'en 2005. Hein. C'est exact. En tout cas, au tout début du mois de juin, la situation se tend dangereusement. Dans la nuit du 2, on voit des milliers de soldats en uniforme, à pied mais sans armes, qui convergent vers le centre de Pékin. Bizarre, ça. Si vous voulez mon avis, il s'agit d'une démonstration purement psychologique qui vise à montrer aux habitants de la capitale que l'armée est omniprésente. Conséquence, en tout cas, les Pékinois descendent une nouvelle fois dans la rue et font en sorte d'obliger ces soldats à faire demi-tour. Au cours de la même nuit, la télévision diffuse des communiqués demandant aux habitants de la capitale de rester chez eux. Ce qu'ils font ? Bien sûr que non, mais la tension est désormais palpable. On devine que le dénouement est proche. Et dès le lendemain, la troupe ouvre le feu sur la foule dans une avenue qui mène à Tiananmen. Alors que s'est-il passé, là ? Bon, d'après ce que l'on a appris plus tard, Deng en personne a quitté peu de temps Pékin pour aller voir quelques chefs militaires. Ah oui, s'assurer de leur fidélité. Bien sûr. Ouais. Il a effectivement obtenu qu'ils obéissent à ses ordres. Quoi qu'il en soit, cette première et sanglante fusillade n'est que le prologue de ce qui va suivre. Oui, c'est-à-dire le massacre de Tiananmen. Hein. Oui, et j'en viens à ce que j'ai appelé les mystères de Pékin. Il existe en effet, et peu de gens le savent, une ville sous la ville. C'est-à-dire ? Il s'agit d'un réseau de souterrains destinés à protéger les habitants en cas de guerre nucléaire. Les habitants et bien sûr en priorité les dirigeants. Ah bon ? Un train peut même parcourir ces tunnels. Et le principal boyau relie la résidence des dirigeants, qu'on appelle les lacs du milieu et du sud, au grand hall du peuple qui se trouve derrière la place Tiananmen. Ah, je comprends. Alors, on peut donc acheminer des troupes à Tiananmen dans la plus grande discrétion. Et les manifestants qui se trouvent en surface ne pourront rien pour les en empêcher. D'autant que la surprise jouera en faveur de ces soldats surgis de nulle part. Bien évidemment. Et c'est ainsi que, dans la nuit, un convoi de troupes aéroportées et de forces spécialisées dans le maintien de l'ordre s'est engouffré dans ce tunnel. Et ce sont ces soldats qui vont donner les premiers assauts contre les manifestants. Mais en même temps, au petit matin, le 27e corps d'armée est entré sur la place. Ah oui, c'est un véritable piège. Les manifestants sont encerclés. Et les soldats ont demandé aux étudiants d'évacuer le lieu, leur promettant la vie sauve s'ils obéissent. En réalité, beaucoup de manifestants ne pourront pas profiter de cette promesse et ils finiront écrasés par les chars ou fusillés. Combien de morts, alors ? Exactement, ça on ne sait pas. Les cadavres ont été prestement évacués. D'autres ont même été brûlés par les soldats. Alors, combien de morts ? 2000, 3000, peut-être plus. Et malgré les manifestations de protestation qui se déroulent dans tout le pays, on va assister à une véritable chasse à l'homme contre ceux que les autorités communistes appellent les meneurs contre-révolutionnaires. Certains d'entre eux sont même fusillés sur le champ. Mais, et l'information a longtemps été tue, cette féroce répression n'a pas été aussi facile qu'on l'a prétendu. Pourquoi, alors ? Parce que certaines unités de l'armée n'ont pas obéi. Mieux, elles ont retourné leurs armes contre les troupes chargées de réprimer les manifestants. On a même assisté à de violents combats de chars dans Pékin. Combats de chars, vous en êtes certain, ça ? Absolument. Je peux même ajouter qu'immédiatement après ces événements, plus de 3000 officiers ont fait l'objet d'enquêtes. Et certains d'entre eux ont été très sévèrement punis. Oui, mais au final, le pouvoir a triomphé. Et le nouveau secrétaire général du Parti communiste, Jiang Zemin, qui a été en fait nommé un mois plus tôt par le Conseil des Anciens, a pu enfin apparaître au grand jour. Oui. Quant à Deng Xiaoping, au cours d'un discours prononcé fin juin, il a déclaré tout bonnement que la politique d'ouverture mise en place il y a 10 ans devait continuer. Et il en a profité pour dénoncer la corruption au sein du parti et des organes dirigeants. Joli cynisme. Hein. Pour reprendre à vos propres termes, Deng a-t-il été piégé d'une quelconque façon par les faucons ? À l'évidence, non, même si la fin de l'être. En réalité, c'est lui qui a mené le jeu du début à la fin. Lui qui a profité de la crise du printemps de Pékin pour écarter un certain nombre de dirigeants peu fiables et mettre en place son favori, Jiang Zemin, un homme dont il était sûr. Mais c'est quand même assez paradoxal parce que c'est Deng Xiaoping qui a radicalement transformé la Chine en y introduisant l'économie de marché. Certes, mais ça ne veut pas dire pour autant démocratisation. Pour Deng et les siens, la liberté de commercer, de produire et même de s'enrichir ne pouvait exister que sous la férule du Parti communiste. Et c'est là le véritable paradoxe de cet étrange pays communiste où l'on peut faire de si bonnes affaires et même devenir milliardaire. Toutefois, 20 ans après Tiananmen, on perçoit de nombreux craquements. La voix des opposants. Et celle de nombreuses catégories de citoyens qui vivent de plus en plus mal les injustices dont ils sont quotidiennement victimes. Et c'est sur ce terreau de mécontentement populaire que des intellectuels courageux ont rédigé ce qu'ils ont appelé la charte 08. 08 comme 2008 ? Et c'est un texte qui n'est pas révolutionnaire et semble même très modéré. Ces intellectuels demandent simplement la justice et le respect des principes constitutionnels. Mais il semble que ce soit déjà trop, puisque les plus notables d'entre eux sont persécutés par le régime. Je reviens au livre de Faligo sur les services secrets chinois. Et dans le chapitre consacré à ce qu'il nomme les 55 jours de Tiananmen, il décrit les combats qui ont opposé entre eux des militaires chinois en se basant d'abord sur un rapport très précis du KGB. Puis il ajoute « Les correspondants de presse possèdent des informations similaires mais concernant parfois des unités non mentionnées dans ce rapport. Ainsi, Patrick Sabatier, correspondant de Libération à Pékin, écrit « Des gens affirment avoir été témoins de batailles, incluant des blindés entre éléments des 28e et 27e corps d'armée dans l'ouest de la ville. D'autres disent avoir vu des soldats blessés dans le sud-est de la ville. Les sources diplomatiques confirment la réalité d'affrontements qui auraient eu lieu dans les banlieues sud autour de l'aéroport militaire de Nanyuan en unités du 27e et 16e corps. Des tracts distribués dans tout Pékin affirme ainsi que le vieux maréchal Ni Hongzhen, un des chefs militaires les plus prestigieux du pays, survivant de la Longue Marche et compagnon de Mao, aurait qualifié le général Yang Changkung, qui est le véritable chef des troupes de la loi martiale, de brigand. À samedi prochain, vous pourrez retrouver la longue liste des livres qui sont consacrés au printemps de Pékin sur notre site franceinter.com, un site qui vous permettra aussi de réécouter cette émission. Merci à Stéphane Combe, Ilinka Negulesco, Rebecca de Nantes et bien sûr Monsieur Djoub.